Let's go. Are we ready? Let's go! Are we ready? Et bienvenue comme chaque dimanche soir, il est là, c'est DJ Case. Oui, c'est le printemps, ça va, c'est bon son, du rail. Ben c'est tout à fait l'idéal, j'ai envie de dire, pour passer une bonne soirée. Son qui donne la pêche et le sourire. Plus ceux qui sont en vacances. Il y a deux zones cette fois-ci en vacances, donc deux zones, encore des zones. Deux fois plus de gens qui veillent tard. C'est ça, et qui nous écoutent. Et qui profitent du son de rail suprême au programme ce soir. Pareil, des nouveautés, des du classiques. Du très très lourd. Très bien. Pendant une heure, on va s'éclater. Et ben alors, coup d'envoi. Je pense même que je vais réussir à te lever pour faire un petit pas de danse. Mais souvent, je danse, hein, tu sais. Oui, je sais, mais là, tu vas danser un peu plus ce soir. Et ben vas-y, c'est parti. Ambiance-moi les gambettes, c'est parti. Allez, go. DJ Case. C'est Rail Suprême. Skyrock. من العينين عليها مخاف خمسة خموس عليها الله يسترها من العين وهي مولانا عمري عندها لا طي والزين وهي مولانا Everybody time to party come on hit the floor no time if you wanna feel the music you can say Everybody, suprême en direct sur Skyrock. Tu veux pas chanter, attends. Tu veux pas te lever, attends. Tu veux pas danser, attends. DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Yeah. بين بكين شكي وأقول عنا شعبية الحالة قطعت بحور ثماني دور والغربة قد تالة بين بكين شكي وأقول عنا شعبية الحالة بركاني العالم اللي توحداني غلب وبراني كثير أنا فكرت بلادي وعيد النادي سهر ربي مرضى أنا بركاني العالم اللي توحداني غلب وبراني كثير أنا فكرت بلادي وحيد النادي سهر ربي مرضى أنا الهموم بلدي قمرة شحالة أنا فرح أنا غني أنا نطير كي الحمامة يجي يوم سلهموم بلدي قمرة شحالة أنا فرح وأنا غني أنا نطير كي الحمامة بلدي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها أنا راس ولادي ما ننسى بلادي السهر ربي هو نقدها أنا بلدي بلادي نقولها والنادي ما عندي من غيرها أنا برأس ولادي ما ننسى بلادي سحر ربي هون غدا أنا خليك لي يا بلادي راني عليك النادي عرضي وعرض جدادي في حسر ربي سادة خليك لي يا بلادي راني عليك النادي عرضي وعرض جدادي في حسر ربي سادة جي غرانتي انتر محمد موسى et عبد Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dansant comme dansant, ambiançant. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vieillis, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gares, on s'éternise, on croit pas valer du râle. Nos réputations s'éternisent, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Je ménage pas, après je m'en irai. Vivant, limpide, vont garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoile l'histoire. Instant pétard, l'excès qui est en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les J'ai là-bas, et ce qu'on fait à ta rafni Tu sais que le chef du chef, il s'appelle Husni

t'as trop la goutte. Sur Instagram, tu publies tes photos. Collectionne-les comme des mythos. Ta place de peau au volant d'une Merco. C'est une loque que t'as prêté ton poteau. À ce jeu, tu peux me croire, je suis trop gradé. À deux, tu laveras, t'es démasqué. Algérienne, donc tu peux pas. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. Record, trop vrai, trop hardcore. La calage va encore cribler tout le décor. J'ai du plomb dans le chargeur, ils en ont dans le corps. A chaque apparition, ils en redemandent encore. Chicha, gros boule, Grégouze à ma table avec DJ Case. En showcase sur n'importe quel pitch, je suis imbattable. Fais péter la voix du désert. Filon de PRR de vodka. C'est pour mes Bailey et mes chers Winness Wahran jusqu'à Casablanca. Attends, je me barre au plein. 36.3 Sheraton Hotel. Bordel, toute ma horde est hors d'elle. C'est le mariage du cousin, mais c'est né dans le cortège. Port de mer, créature de rêve. Allongé sur le sable, couché de soleil. Nique sa mère, soir j'ai pas sommeil. Mais une folle envie de cramer tout mon dossier. On sait, ça y est, tu planes. J'suis pas de la petite bourgeoisie. Moi j'kiffe pas trop le champagne. C'est pour mes rêves qui sortent du bal. De Bruxelles, Metz, Orléans, Lyon, Marseille jusqu'en Espagne. Ah, il manque du thé là. Ok, le château, va. Chou! Jalal Hamdaoui! Jalal Hamdaoui ou la Hamdana? Non! Let's بلادي المغرب صافي بلادي المغرب سي سي Bienvenue au Maroc sur Sky. Ya salam, ya salam, Allah. Bienvenue au Maroc. C'est soit t'es riche, soit t'es pauvre. Tu t'amuses comme un dingue, même si tu n'as pas de lourd. Bienvenue au Maroc. C'est ici que je m'imagine. Je m'entame de vos départements, je représente mes origines. Bienvenue au Maroc. Marbab et Koum, tu plaidis. Les lions d'Atlas sont dans la place, et Aïdil qui me l'a dit. Bienvenue au Maroc. Et y'a la sûreté nationale. Et si tu pousses un fond, moi je te dis ça va faire mal. Bienvenue au Maroc. Si des touristes ramènent la thune, les marchands comprendront malgré les toutes petites lacunes. Bienvenue au Maroc. Bienvenue dans mon pays, mais les warnings et klaxons, fais tirer 336. Bienvenue au Maroc. Et y'a du spin, j'ai du Meloui. Et si tu kiffes ta meuf, achète une bague, vas-y Meloui. Bienvenue au Maroc. C'est là que j'achète mes fausses baskets, que je recharge mes disquettes, tout le monde le sait pendant que tu fasses le 17. Bled-il, bled-il, bim. Si vous avez un problème au Marrakech, vous dites que vous êtes tous un bim bim. Toute la pluie, fan. Comme les nouveaux Kamel WW. Ya salam, ya salam, Allah. Bienvenue au Cameroun. Maï Arfouch. Bienvenue au Galsen. Bienvenue en Algérie. Oui. Bienvenue en Tunisie. Bienvenue en Tunisie. Bienvenue au Sri Lanka. Eh les Poundés, on y va. C'est le pays de l'évolution. Dans nos rues, Wallah, tu trouves de moins en moins de corruption. Bienvenue au Maroc. Y'a les chnois, y'a les refus. Bienvenue au respect, personne ne se terrifie. Bienvenue au Maroc. Y'a les petits taxis, y'a les grands. Faut pas te faire tarnaquer. Faut pas parler, c'est franc. Bienvenue au Maroc. Y'a les j'oublie les Sahraouis. Ben oui. T'inquiète, poteau, j'oublie pas les Kazaouis. Bienvenue au Maroc. Et la capitale, c'est Rabat. Tesla, tu devrais passer par là-bas. Bienvenue au Maroc. Y'a les bizarres et les mecnia. Un petit conseil, ne laisse jamais traîner ta bnia. Y'a des bêtes de gamos. Et si t'as mal au ventre, c'est que t'as trop mangé de kermos. Kermos dit le mot. Je suis impur, mais que n'est-ce pas. Pique pas toute ma ville, y'a tous les mecs nés ici. Kalsa, attention, attention, attention, attention, attention, frelon, attention. Sans Charles Squad, elles sont où les filles? Elles sont pas là. Elles ont mis des t-shirts fluo, fluo, fluo. Je veux Ridji Hamid, je gagne l'espoir. Mauritania, Cameroun, Sénégal. Maghrébine, saveur carré des bonjour. Tu m'étonnes, j'ai mis mes doigts, y'a que des rajouts. Y'en a tellement qui veulent se mettre entre nous. Tu sais bien, c'est ce qui nourrit les jaloux. Comment ça, tu parles mal de nous? L'esprit mal, moi-même, je suis un tout couré. Viens ici, je te présente à Hamidou. Je vais percer d'après mon marabout. Quand elle rentre dans le club, ça sent l'embrouille. Elle attire tous les dalles, les andouilles. Ma Jusalem, tu repars sans oseille. T'es bien sapé de la tête à l'orteil. Papa n'est pas là, donc c'est le boxon. Maman, c'est terre, elle se pose des questions. Sous vodka, tu perds la raison. Attends, là-bas, ce serait pas ton rafto. Prends ton sac, prends la fuite, ça sent pas bon. On stack là pendant même temps que la poisson. T'as fait tourner la tête de ce garçon. Et pour ton gâte, la pêche et ton pisto. Relini, relini, relini, et le dimanche soir, c'est DJ Case, DJ Case, ouais. Près de chez vous. Et a priori, cette semaine, c'est plutôt calme. Hein. Oui, les vacances. Les vacances. Les vacances, on va profiter un petit peu. Donc tu vas un peu de calme avant la tempête, parce que là, toi, il y a des sacrés mois qui arrivent. Là, hein. Et oui, il y a la sortie de l'album, il y a plein de soirées, il y a l'été qui arrive, il y a le ramadan, il y a plein de choses. Donc on va ventiler un petit coup. Donc les prochains mois seront déterminants. Déterminants. Et déterminés aussi. Exactement. Donc on va enchaîner. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Sur Facebook, c'est DJ Case. Et sur Snapchat, Twitter et Instagram, DJ Case Paris. Snapchat, ça marche bien. Hein. Vraiment. Bah, en même temps, toutes les photos nues que tu mets. Donc, c'est ça. Et puis, y a pas plus petits... de deux secondes. Hein, pas plus de deux secondes. On voit mes petites chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Magnifique. Et bah, si vous voulez voir et découvrir les chaussettes de DJ Case, c'est le moment où j'avais de le rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Merci. On est reparti pour une demi-heure de son. C'est ça, une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure, c'est parti. Coup d'envoi. tous les matins. Avec le Morning de Difool sur Skyrock, il se passe plein de trucs, des enquêtes. Quelles sont les régions de France dans lesquelles on est les plus minces? C'est là où on est le plus stressé, donc je dirais la région parisienne. Bien vu, Paris, ouais, plus speed et tout ça, ouais. Sur le podium, on a la Bretagne en deux et la Normandie aussi. Et il y a Mortoufif. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mortoufif? Normandie sur le podium, je n'y crois pas de trop avec tous les cachalots qu'il y a sur la plaque. Du sensationnel. Si on te demande quelle est ta radio préférée, Et voilà. Non. 1500 euros. Ah, j'y crois pas mes yeux. De l'ambiance. Joba. Le Morning de Difool t'attend demain matin en direct. Moi, les shows. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? De 6h à 9h sur Skyrock. Avec toujours 1500 euros cash à gagner. Si tu réponds que ta radio préférée, c'est Skyrock. Si t'avais un super pouvoir, tu choisirais quoi? Je suis trop timide pour dire je t'aime. La prof de maths pue de la gueule. J'ai embrassé le mec de ma meilleure amie. Écoute ton cœur, pas ta raison. Dis ce qui te passe par la tête. Tout ce qui te passe par la tête. En toute liberté. Yax, YAX. Télécharge sur ton mobile. Vite. La journée sur Skyrock. Let's go. Retrouve tous tes rendez-vous préférés. De 6h à 9h. The Morning Show. Le Morning de Difool t'offre 1500 euros cash. De 9h à 20h. Prends un son d'avance avec les meilleures nouveautés. Avec ton kit CD rap français et rap R&B US. À 20h. Planète Rap reçoit Big Flo et Oli. Et à 21h. What the fuck? Difool revient en direct pour la plus grande radio libre de France. Skyrock. Du son, du cash et toujours plus de déconnes en direct. DJ Kay. Dimanche soir. Minuit 1h. C'est Rail Suprême. C'est parti. DJ Kay. Sur Skyrock. Suprême. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais snoune.

chanter à toz. Tu veux pas te lever à toz. Tu veux pas danser à toz. Non mais attends, que tu crois je vais te passer mon numéro, sale blé d'arme, allez casse-toi la barre. Attends. d'autres un peu sur la piste. Tout le monde est dans son délire, y'a même des gens jaloux. Et je pense vite jusqu'à la fin. Après j'avoue, y'en a qui forcent jusqu'au bout d'un night. Il est minuit sur ma toquante, j'galère. Les gars de mon jeu, ils vont brûler un mois de salaire. Ça cause de boules, de bad bitch, ça va me plaire. Laisse les bras pit spike pour un bout d'air. J'file comme une étoile pour me baisser ça fonce. Chercher la fuck et m'équiper de ma conce. Fini l'époque des guerres face au visio. Platine à gay, frère en train de faire. Comme James Brown, j'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le paquet glisse, c'est trop mielleux. J'suis à déguster, j'suis à croquer, chaud à l'intérieur, rappelle-moi moi le. Suis-nous sur la piste, c'est sa tête, des petits pains, un petit cerf en dessous de la boule à facettes. Jamais sous-tise avec mes yeux de shiny. Cherche pas la chiffonne dans le ghetto, c'est la cerise. Y'a des sons que j'kiffe pas trop, mais j'aime ambiance. À la base, la funk, c'est pas ma canne. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle plus sur la piste, tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens jaloux, et j'profite jusqu'à la fin. Après j'avoue, y'en a qui pensent. Bien que je t'emmène faire le tour du globe. Ni barrière, ni frontière, si c'est le ciel. Ce qu'on fait, ce qu'on donne, c'est de la musique universelle. La joie est suspendue à des épines, on va se blesser. Nos limites n'existent que dans nos crânes, arrête de stresser. On ouvre le robinet d'espoir, ça coule à flot. Libère ton souffle, voir le destin nous sourire. Y'a pas plus besoin de point d'appui pour qu'on soulève le monde. J'ai fait du charme, 15 mois de mon style. À la seconde des fous, une fois c'est comme Zizou. C'est le moment de tourner partout, réalise vraiment que c'est un film. Sé que soñaré con tu regreso. Come on. Mi vida no es igual. Oh. Ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? Oh, ¿cómo te voy a olvidar? Dale mambo. Come on. Oh, oh, oh, oh. Da, di. Oh, oh, oh, oh. Da, di. Igual. Pour une heure de mix de folie. Hey, wow. هاي كارتيه شيك وزاهي حتى كلاس سي لا فيل حوس بيك في دبي سي سير اهلي بالهاي كارتيه شيك وزاهي حتى كلاس سي لا فيل Direct sur Skyrock.

يسوس يعاود يو إن حاحا يا عاو وبالريف يا عاو وبسوس يا عاو سوس يا عاو هك على طاجيك فارس هك على خبز البان هك على حلوة مشبكة في قصير جديد واوا واوا واوا Yeah. C'est Rail Suprême. C'est la fin de ce Rail Suprême. Merci, Kaze. Eh oui, on s'éclate. Bon, bah, profite bien toi aussi. Je sais que t'es un peu en vacances en ce moment, mais tu seras là quand même la semaine prochaine. Ouais, on va se reposer. On va revenir bétonné de chez bétonné. Très bien. Donc, profite bien. Profitez aussi à ceux qui veillent tard, qui sont en vacances à l'écoute de Skyrock et de Rail Suprême. On leur souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances à vous tous. Courage aux autres aussi. Hein. Oui. Et ceux qui apprennent dès demain. Merci à tous ceux qui ont participé sur Internet. Hashtag avec le hashtag Rail Suprême. Ça a déchiré. Eh ben, le hashtag Rail Suprême reviendra dans une semaine, comme chaque dimanche soir, avec DJ Kaze au contrôle. C'est ça. Ciao, ciao, Kaze. Allez, ciao. Bonne soirée à vous tous, c'est reparti. Le son de Skyrock rap, R&B en non-stop. Ciao.